radio des Cathy, la radio qui me fait avancer dans la vie mieux que mon déambulateur. Jeune, il est rentré, il veut me taper. Non. Calme-toi, Alphonse. C'est une fille, tu vois bien qu'il a des boucles d'oreilles. Bonjour, oui. Mademoiselle. Bonjour. Il parle pas beaucoup. Elle a pas l'air bien aimable. Ouais, ils sont bizarres des fois, les jeunes. Ils ont des yeux rouges, ils parlent pas beaucoup. Des cheveux courts. C'est comme mon petit-fils, il sort le soir et le lendemain il est tout silencieux. Oui. Mais j'aime bien. Mais c'est pas plus mal, hein. Mais comme ça, il regarde la télé avec nous, ils sont bien. Mais c'était quoi cette musique au fait, Alphonse? Bernard Chancherie. Mais il chante bien, ce monsieur. On comprend pas les paroles. Mais c'est pas grave, c'était bien joli. C'est en étranger. Parce que des fois, on n'aime pas du tout. Mais là, il c'était pas mal étranger. Du tout. Alors, qui? Pour ceux qui aiment la musique, parce qu'on est un peu sur une radio, il faut parler. Donc, c'est le festival Musique sur l'île, et nous, on aime bien, parce qu'il y a des bons chanteurs. Oui, il y a surtout celui qu'on aime bien, il y a Henri Salvador. Henri Salvador. Quel bel homme. J'aimerais bien voir Syracuse. L'île de Pâques et Kerouan. Qui? Une chanson que me chantait ma maman. Alors donc, ça se passe... Hey, ah non. Le jeune, il a des disques, il a des vrais disques, il faut les prendre pour les passer. Ça, parle poliment à la jeune fille. Sur la prairie au Duc. Et y a aussi Chub Mamie. Massilia Sound System. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et d'autres artistes prestigieux. Moi, les Allemands, je leur pardonnerai jamais. Il y en a pas. C'est du 3 au 7 juillet. Mais tais-toi donc, Alphonse. Tu racontes n'importe quoi. Et c'est bien, il faut y aller. Ton petit Marco, l'autre jour, il est venu avec son petit correspondant allemand. Il a peut-être même des places à gagner. Il était bien gentil. Qui? Le petit correspondant allemand de Marco. Mais t'es bien gentil. Tu sais, petit collégien, là. L'horloge, elle est cassée. L'horloge, on n'entend plus rien. Mais non, regarde, elle est là. Ah, d'accord. Bon, c'est parce qu'il était 4 heures. Ce concert, Musique sur l'île, c'est quand, André? Mais je l'ai dit. C'est quand? Du 3 au 7 juillet. Mais... André, t'as plus ta tête, toi non plus. Comment? T'as plus ta tête. Bah, on est le combien aujourd'hui, André? Le 12. Bah oui, André. On est le 13. Regarde. Le 3 au 7 juillet, tu racontes n'importe quoi. Bah, Henri Salvador. Bah Henri Salvador, on l'a raté. On avait acheté des billets, on va pas pouvoir y aller. C'est ta faute, André. Alors, il était normal pour nous aussi de parler un petit peu des gens qui nous ont quittés, des grands amis. Qu'on aimait bien. Qu'on aimait bien et qui nous ont quittés quand même. Bah oui. Alors, on t'écoute, André. Alors, Monsieur Jacques Monet est mort à l'âge de 86 ans. La cérémonie religieuse sera célébrée aujourd'hui. On lui souhaite bonne chance. Ben, venez nombreux. Ben, ensuite... Tu lis? Ben, oui. Ben, on avait aussi à Carquefou notre amie Josette qui est décédée. Ben... Elle était bien gentille. Elle aussi. C'est pas gay tout ça. Non. Ils annoncent de la pluie jusqu'à vendredi. Oui. On arrête de parler de ça. Moi, j'en ai marre. Je veux plus parler de ça, moi. On va danser. T'as raison. Remets-nous donc de la musique, Alphonse. Na na na na na na. De Des trucs de jeunes qui nous font danser. Bernard, mets la musique de Bernard. Attendez, je vais faire un enchaînement. Le jeune, il m'a donné un disque et il m'a donné des jingles avec... Je vais faire un enchaînement. Attendez. Un quoi? Un enchaînement. Et ça veut dire je vais mettre les trucs à suivre. Des trucs à suivre. Regarde, écoutez. Comme dans RTL, pareil. D'accord. Ah! Alors, il va... Attendez, là... Il va y avoir Jean-Pierre Foucault. Et Fabrice. Non, Micheline Dax. Écoutez. Ah bon? Qui c'est qui est vieille? Salut, c'est Micheline Dax. Moi, j'écoute Radio Decati. Maintenant, le disque. Je l'aime bien, moi, cette Micheline Dax. Comment? J'aime. Ah, oh, c'est violent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime pas. Ça me fait mal à mes oreilles. Débranche ton sonotone, André. C'est mieux. Radio Decati, la radio comme avant, maintenant.